Chapitre 15. Mes sinistres présages se sont vérifiés. Il y avait quelque chose de prophétique dans les pressentiments qui m'agitaient. Il s'est opéré dans mon âme et dans mon sort une révolution terrible que je vais rapporter. Après avoir essayé tant de situations différentes qui toutes m'amenaient à des résultats uniformes, je me déterminai enfin à me mettre, s'il était possible, hors de la portée de mon persécuteur, en me bannissant volontairement moi-même de ma patrie. Mais cette triste ressource m'était encore fermée par l'inexorable Falkland. Au moment où je formais ce projet, je n'étais pas éloigné des côtes de l'Est, et je résolus de m'embarquer à Harwich pour passer immédiatement en Hollande. Je me transportai donc aussitôt dans cette ville, et presque à mon arrivée, je me rendis au port. Il n'y avait pas pour l'instant de vaisseau prêt à faire voile. Je sortis du port et me retirai dans une auberge où, au bout de quelque temps, je demandai une chambre. À peine y étais-je que la porte s'ouvrit et que je vis entrer l'homme dont la présence était la plus odieuse pour moi, le détestable Gainas. Il referma soigneusement la porte dès qu'il fut entré. « Mon jeune cadet, dit-il, j'ai un petit avertissement à vous signifier en particulier. C'est un conseil d'ami que je viens vous donner, pour vous épargner bien de la peine inutile. Ce que vous avez de mieux à faire, c'est de prendre la chose comme je vous l'ai dit. Ma fonction actuelle, faute de mieux, c'est, voyez-vous, de veiller à ce que vous ne passiez pas les bornes. Non pas que je me soucie beaucoup d'être aux ordres de personne, ni de rester toujours collé au talon d'un autre. Mais je me sens pour vous une tendresse toute particulière, à cause de quelques bons tours que je n'oublie pas. Et c'est ce qui fait qu'avec vous, je n'y regarde pas de si près. Vous m'avez déjà fait faire une assez jolie tournée, et au moyen de l'amitié que je vous porte, il ne tient qu'à vous de m'en faire faire encore autant, si cela vous amuse. Mais ne songez pas à arpenter la grande plaine. Mes ordres ne s'étendent pas jusque-là. Vous êtes prisonnier, voyez-vous, et je crois bien que vous le serez toute votre vie. Rendez-en grâce à la douceur angélique de votre ancien maître. Si la chose dépendait de moi tout à fait, je vous ferais peut-être chanter une autre gamme. Tant que vous le jugerez à propos, vous pouvez vous promener dans les lignes de votre prison. Et les lignes que veut bien vous accorder le très gracieux écuyer, c'est toute l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles. Mais ne vous avisez pas de vouloir sortir de ses limites. L'écuyer est bien décidé à ne vous avoir jamais hors de sa portée. En conséquence, il a donné ses ordres, toutes les fois que vous voudrez tenter de vous échapper, de faire de vous, au lieu d'un prisonnier au large comme vous êtes, un prisonnier dans la vraie signification du mot. J'ai avec moi un ami qui vous a suivi tout à l'heure au port, et moi je n'étais pas loin. Au moindre signe que vous auriez fait pour quitter terre, en un tour de main, nous étions sur votre friperie et nous vous retenions par les talons. Je vous donne avis pourtant de vous tenir dorénavant à une distance respectueuse de la mer, crainte qu'il ne vous arrive pire. Vous voyez que tout ce que j'en dis, c'est uniquement pour votre bien. Quant à moi, si je suivais mon goût, je vous aimerais mieux entre quatre murs, avec une bonne corde au col et une espérance raisonnable de faire bientôt le saut périlleux. Mais je fais ce qu'on m'ordonne, et sur ce, mon camarade, je vous souhaite une bonne nuit. » Cet étrange message me causa une révolution subite et générale. Je dédaignais de répondre, et même de m'occuper le moins du monde de l'infernal démon qui en était porteur. Il y a aujourd'hui 3 jours que cette scène s'est passée, et depuis ce moment, tout mon sang est dans une fermentation continuelle. Mes pensées divaguent avec une rapidité incroyable sur un océan d'horreur et d'épouvante. Je n'ai plus de sommeil. À peine puis-je pendant 2 minutes conserver la même posture. C'est avec une extrême difficulté que j'ai pu me contenir assez pour ajouter encore quelques pages à mon histoire. Mais dans l'affreuse incertitude où je suis des événements qui peuvent se succéder d'un instant à l'autre, j'ai cru devoir me forcer moi-même à achever cette pénible tâche. Je ne me sens pas dans un état ordinaire. Comment ceci finira-t-il? Dieu le sait. En vérité, il y a des moments où je tremble que ma raison ne m'abandonne tout à fait. Quel sombre et mystérieux tyran! Quel barbare et implacable ennemi! D'où lui vient tant de pouvoir? Quand Néron et Caligula tenaient le sceptre de Rome, il était terrible d'offenser ses maîtres sanguinaires. L'Empire s'étendait déjà au bout du monde et embrassait les deux mers. si leur malheureuse victime fuyait au climat où l'astre du jour paraît sortir des ondes de l'océan, le bras du tyran pouvait encore la saisir. Si elle volait à l'Occident, si elle courait s'ensevelir dans les ténèbres de l'Hespérie ou dans les déserts glacés de Thulé, elle n'était pas encore à l'abri du pouvoir de son féroce ennemi. Falkland, es-tu descendu de ces tyrans pour nous en conserver la vivante image? Pour ta malheureuse et innocente victime, l'univers et tous ses climats ont-ils donc été créés en vain? Tremble. Ils ont tremblé, ces tyrans qu'environnaient des armées nombreuses de janissaires. Qui pourrait te rendre inaccessible à ma rage? Je ne me servirai pas de poignard, non. Je raconterai mon histoire, je te montrerai au monde tel que tu es, et il n'y aura pas un homme vivant qui ne sente que la vérité m'inspire. Tu t'es figuré que je n'étais qu'un être passif, un ver de terre, organisé seulement pour souffrir et incapable des émotions du ressentiment. T'es-tu figuré que tu ne courais aucun risque à m'infliger des supplices, quelque douloureux qu'ils fussent, à m'accabler de misère, quelque intolérable qu'elle puisse être? M'as-tu supposé totalement nul, impuissant et stupide, sans intelligence pour combiner ta perte et sans énergie pour la consommer? Je dirai ton histoire. La justice nationale m'entendra. Tous les éléments de la nature se bouleverseraient vainement pour m'interrompre. Je parlerai avec une voix plus redoutable que la foudre. Pourquoi supposerait-on qu'un motif honteux m'ouvre la bouche? Je ne suis pas maintenant sous le fer de la persécution. Je n'aurais pas l'air de charger ta tête d'une accusation criminelle pour la repousser de dessus la mienne. Verrai-je d'un œil affligé l'abîme que je vais creuser sous toi? Trop longtemps, tu m'as trouvé compatissant et sensible. Quel avantage ai-je recueilli de ma stupide indulgence? Y a-t-il un mal que tu aies balancé à ajouter à tous ceux que tu as accumulés sur moi? Je ne balancerai pas non plus. Tu n'as pas montré la moindre pitié. N'en attends aucune de moi. Soyons calmes. Ayons un courage inébranlable, mais mesuré et recueilli. Un moment terrible s'approche. Je sens, oui, je crois sentir que je sortirai triomphant et que j'écraserai sous moi mon redoutable ennemi. Mais quand il en serait autrement, il n'aura pas du moins le succès qu'il se propose. Sa renommée ne sera pas immortelle, comme il s'en flatte. Ce papier sera le dépositaire de la vérité. Un instant viendra où il sera mis au jour et où le monde nous rendra justice à tous deux. Avec cette idée, je ne mourrai pas sans quelque consolation. Ne souffrons pas que le règne de la tyrannie et de l'imposture soit éternel. Que les précautions de l'homme sont faibles et impuissantes contre ces immuables lois qui gouvernent le monde intellectuel. Ce Falkland a inventé contre moi 1000 noires accusations. Il m'a poursuivi comme une proie, de ville en ville. Il a tracé un cercle autour de moi pour que je ne puisse jamais m'échapper à sa puissance. Il a tenu sa meute infernale sur mes traces et l'a sans relâche animé à ma poursuite. Il peut me relancer jusqu'aux extrémités du monde, vains et forts. Avec cette seule arme, avec cette faible plume, je brave toutes ses machinations, je renverse toutes ses batteries, je lui enfonce le poignard à l'endroit même qu'il cherche le plus à défendre. Collins, c'est maintenant à vous que je m'adresse. J'ai consenti à me priver de votre assistance dans la situation épouvantable où je me trouve. Je mourrais plutôt 1000 fois que de rien faire qui puisse troubler votre bonheur. Mais souvenez-vous-en, vous n'en êtes pas moins mon père. Je vous en conjure, par tout l'amour que vous m'avez porté, par tant de bienfaits que j'ai reçus de vous, par cette tendresse si vive et si touchante que vous m'avez inspirée et qui pénètre au plus profond de mon cœur, par mon innocence, car si ces mots sont les derniers que je puisse écrire, je veux mourir en protestant de mon innocence, par tous ces nœuds sacrés, par d'autres encore, s'il en est d'autres qui puissent vous toucher, je vous en conjure, écoutez ma dernière prière. Conservez ce papier, gardez-le de la destruction, gardez-le de Falkland. C'est là tout ce que je vous demande. J'ai pourvu à un moyen sûr de faire passer cet écrit dans vos mains, et j'ai une ferme confiance, confiance que je ne veux jamais perdre, qu'un jour, de manière ou d'autre, il verra la lumière. Ma plume s'arrête, sous mes doigts tremblants. Me reste-t-il encore quelque chose à dire? Jamais je n'ai encore pu parvenir à m'assurer de ce que contenait ce coffre funeste, d'où sont sorties toutes mes infortunes. J'ai pensé autrefois qu'il renfermait ou un instrument de meurtre ou un monument quelconque de la catastrophe du malheureux Tyrell. À présent, je suis persuadé que le secret qui est enfermé est un récit fidèle de cet événement avec toutes ses circonstances, déposé comme une arme de réserve et une extrême ressource pour arracher au naufrage la gloire de M. Falkland, dans le cas où, par quelque accident imprévu, son crime viendrait à être pleinement divulgué. Mais que cette conjecture soit bien ou mal fondée, c'est ce qui n'importe guère. Si Falkland n'est jamais dévoilé aux yeux de l'univers, il est vraisemblable que dans ce cas, son écrit ne verra jamais le jour. Alors les mémoires que je trace y suppléeront d'une manière étendue et peut-être rigoureuse. Je ne sais ce qui me cause l'inspiration que je ressens. J'ai un secret pressentiment que je ne serai plus maître de moi. Si je réussis dans l'entreprise que je médite à l'égard de Falkland, alors toutes mes mesures pour conserver cet écrit auront été superflues. Je ne serai plus réduit à recourir au secret et à l'artifice. Si je succombe, cette précaution paraîtra sagement prise.